c'est quand même beaucoup de matière dans notre cours, mais on, en fait, je ne demande pas d'en donner tout ce que dans notre cours. Parce que moi, personnellement, les systèmes nerveux, c'est pour ma tranche. Puis, je suis à l'aise avec le côté embryologique, mais tout ce que je me fais, c'est le système nerveux. Comme cette abstraction, il n'y a plus de place dans mon cerveau, tout comme avec ses machines. Donc, je vais laisser les spécialistes là-dedans. Mais on va voir le développement là, au niveau de l'embryologie, comment notre plaque neurale, qui vient de début, qui va former le tube neural, puis après ça, comment chaque région du tube neural va donner les structures nerveuses qu'on connaît. Donc, ça va être un peu plus descriptif aujourd'hui, vraiment de voir là, la formation des différentes vésicules, puis comment si on passe par le stade de 3 vésicules, après ça, 5 vésicules, puis la même primaire, en fait, qui est développée. La morphologie des différents aspects. Je vous ai mis ici les lectures pour le cours d'aujourd'hui. La page 85 à 98, ça couvre principalement le développement de la moelle épinière et des ganglions. Puis le chapitre 13, c'est vraiment le système nerveux central. Vous allez voir que la page 85 à 98, c'est un peu moins lourd. Ça suit pas mal ce qu'on voit dans le cours. Mais le chapitre 13, il devient très lourd. Faites ça pas s'il y a des déconnectés. C'est juste d'énumération pour d'énumération. Sur que ça. Que les potes dans le régime, c'est juste d'énumération d'anatomie. Fait que vous pouvez lire, et je tiens pour à ça. Vous connaissez votre carte. Il n'y aura plus poussé que ce qu'on va voir ici. Donc, ce qu'on voit dans la neurobiologie, bon, le développement de la moelle épinière, on va commencer par en bas. On va se rendre jusqu'au développement des hémisphères. Donc, la moelle épinière, myencéphale, mésencéphale. Le mésencéphale, c'est le principe avec la variation. Le diencéphale, c'est l'encéphale. Le développement pathologique, j'ai mis quelques pathologies. Ça, je vais vous laisser lire par là. On a déjà pris les pathologies qu'on a vues durant la session. Donc, si vous vous souvenez, tout le système nerveux de notre embryon va débuter par une plaque, ici, la plaque neurale, qui va être en fait une prolifération de l'ectoderme sur le dessus, sur le dos de notre embryon. On a dit que cette plaque neurale-là, son développement, va être induite par la notochorde poussée en dessous. Donc le canal de la notochorde pousse en dessous dans le mésoderme et induit la prolifération du tissu sur le dessus de l'ectoderme. L'ectoderme va se différencier, va avoir des cellules neurales qui vont se développer là-dedans, puis ça va former le tube neural. Le tube neural va finir par se séparer, pour la plaque neurale va finir par se séparer, parce que maintenant sa construction est différente de l'ectoderme, de l'extérieur de l'embryon. Donc, je vous ai ici, la plaque neurale, c'est la première ébauche, système nerveux central et périphérique. Elle apparaît dans la troisième semaine, en avant du nœud de Hansen. Si vous vous souvenez, le nœud de Hansen, c'est la petite dépression au bout de la ligne primitive ici. Donc, elle apparaît au bout du nœud de Hansen, puis vers la région crâniale de l'embryon. Puis elle va apparaître juste un petit peu avant la membrane du copharyngien ici, donc on voit en haut de chaque côté. La plaque neurale, bien, on a vu que les barres de la plaque neurale vont s'épaissir de plus en plus. Dans leur épaississement, dans la croissance du disque embryonnaire, il y a un sillon qui va se former au centre ici, qui va former l'axe longitudinal, à la hauteur de l'aire de corps. Puis, ça va être la gouttière neurale, donc il y a une petite gouttière qui va se former. Là, les rebords vont devenir plus épais, puis les rebords vont finir par se coller, puis former le tube neural. Vous avez dans la figure ici. Donc, les rebords de la gouttière neurale, c'est que les bouts latérales de la plaque neurale vont se regrouper, vont fusionner. Puis leur fusion commence dans la région dorsale. Puis la fusion des rebords de la plaque neurale va s'en aller à l'extrémité crâniale et à l'extrémité scolaire. Donc, la fermeture qui commence par le centre, s'en va vers le haut, vers la tête, s'en va aussi vers le bas. Donc, contrairement à la majorité des structures de notre embryon qui se développaient tout le temps de façon crâniale à caudale, la fermeture du tube neural, c'est ce qui est vraiment spécial, c'est que ça commence continue Dieu, puis la soudure va se faire en s'en allant vers les extrémités, vers le crâne que vous d'âme. Donc, c'est pour ça qu'ici, on dit qu'à un certain moment, on va avoir deux ouvertures qui vont être encore présentes avant que le tir neural se ferme complètement. Le neuroport antérieur, qui est dans la région où se développe le cerveau, et le neuroport postérieur, ou caudal, qui est dans la région où va se terminer la colonne vertébrale. Donc, vous voyez ici, on a le neuroport antérieur, puis le neuroport postérieur. Donc, comme ici, là, avec un jour, on voit qu'il y a un trou ici, comme une ouverture. On voit de chaque côté ici la fermeture du tissu neural, puis ici le neuroport. Donc, ça, c'est notre tube neurale. Ici, vous avez une vue. Dans le fond, si on coupe comme ça transversalement, vous voyez l'épaisseur ici de la plaque neurale. Puis, vous avez, bon, le mésoderme au centre avec la notochorde, le cinquième. Donc, ici, on a seulement la présentation du milieu, le sillon neural, donc la gouttière neurale au centre, puis les rebords de la plaque neurale. Ils vont finir par se rejoindre. Puis, le prolongement ici qui se referme, bien, c'est l'ectoderme. De notre embryon. Le tube neural ici. De chaque côté du tube neural, il va rester du tissu qui provient aussi de la plaque neurale, qui va s'appeler la crête neurale. Vous voyez, de chaque côté, il y a une petite branche. Mais ces petites crêtes neurales-là, ils vont donner naissance à plein de structures dans le corps de notre embryon. Il y a toutes ces structures-là qui sont personnellement associées aux nerfs. Donc, le meilleur exemple, c'est les ganglions spinaux. Les ganglions du système nerveux autonome qui vont se former à partir des crêtes neurales de chacun. Donc, ce tissu neural, ça reste associé. Et dans les ganglions, ils vont se rejoindre, ils vont se gérer les corps, les neurones. Mais ça provient du tissu neural aussi, de la plaque neurale. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Ça va être de la nouvelle matière. Donc, ici, je vais faire un petit schéma pour visualiser un peu qu'est-ce qui donne quoi. Parce que, encore, on a des stades intermédiaires dans le développement embryonnaire. Au début, on a seulement un tube neural. Ensuite, on va avoir des vésicules primitives, donc comme une organisation primitive là, pour le développement, la localisation de chaque partie. Les vésicules, ensuite, vont se séparer en trois vésicules différentes. La moelle épinière, elle est vraiment comme séparée. L'onction, on va dire, à ce moment-là, c'est la moelle épinière. Mais pour le développement au niveau du système nerveux central, il y a la fonction où on a trois vésicules, puis ces trois vésicules-là se différencient pour donner un format de cinq vésicules. Vésicules cérébrales primitives. Donc, la vésicule cérébrale primitive, la première, qui est la fond la plus crâniale, c'est le proencéphage. Donc, à l'extrémité complète, donc ici, on a notre tube neural, on a notre embryon avec les couches pharyngiennes ici. Donc, à partir d'ici, ça va être la moelle épinière. Donc ça, c'est la séparation précoce des différentes portions du tube neural primitif. Ensuite, ben, le prosencéphale, lui, va se séparer en deux portions. Une portion ici, qui va être le télencéphale. Encore sur la structure, l'endroit où on parle la courbure. on va séparer, ben, il va se séparer ici en deux endroits. Et il va avoir le séparage. C'est un peu comme ça que ça va disparaître. Dans le fond, c'est deux, c'est dans la chronologie. Dans le premier temps, on va avoir trois viscules. Ensuite, dans ces trois viscules-là, il y en a deux qui vont se séparer en deux viscules différentes. Cette séparation-là, ben, ça fait partie de la différenciation des cellules neuronales dans la paroi et dans la région du pédencéphale ici, ben, les cellules neurales vont se développer d'une certaine manière, alors que maintenant dans la région du pédencéphale, les cellules neurales vont se développer d'une autre manière. C'est ce qui fait que on peut trancher comme ça entre les différentes régions du cerveau. Donc, en gros, c'est comme ça. Fait que vous avez fait le petit tableau ici pour comprendre que le point céphale donne ces deux-ci. Là, le métencéphale garde la même appellation. Le rhombocéphale va donner la métencéphale et l'encéphale. Parce que dans le développement, on va voir à partir des cinq vésicules, on va voir ce que chacune va donner. Comme ça, je voulais arranger en ligne de peau. Puis on va voir, bon, ben, à partir du développement, on va partir d'ici. Puis on va s'en aller vers le développement des encéphales. Puis l'encéphale, ça donne les hémisphères. C'est vraiment la finalité du système nerveux central. Donc, ici, vous avez une schématisation, dans le fond, pour représenter, bon, vous avez le cerveau, le tronc cérébral, ici, avec bon, les encéphales, le pont, la moelle allongée, et le cervelet, bon, situé dans le tronc cérébral, puis la moelle épinière. Donc, dans chacune des régions, bon, vous remarquez la lumière du tube neural, donc la lumière au centre, il faut se rappeler que c'est toujours un tube, ça va toujours rester un tube, puis ça va aussi organiser, se différencier, mais toujours en ayant une lumière au centre. Donc, à tout moment, il y a une lumière au centre, que ce soit au niveau du système nerveux central, cette lumière-là va donner les différents ventricules, puis au niveau de la colonne vertébrale, bien, ça va donner la lumière. Donc, la lumière au centre, ça devient les ventricules et le canal central de la moelle épinière, puis les parois, du tube neural qui est du neuroectoderme. Les parois, dont c'est ainsi, vont donner toutes les cellules du neuroépithélium, les nerfs, les cellules macroglial, la glie, tout ça, pour les parois de ce tube. On peut dire que le tube neural, dans son développement, il est pratiquement autonome. Il n'y a pas besoin du mésoderme pour dire comment il doit se différencier, contrairement à quand on a vu l'endoderme. Je disais tout le temps, toutes les structures qui dérivent de l'endoderme, du digestif primitif, ben, leur croissance est influencée par le mésoderme qui l'entoure. Alors que le tube neural, c'est pas ça. Le tube neural, c'est vraiment, il se développe par lui-même sans vraiment avoir d'interaction avec le mésoderme autour. Donc, pour le développement de la moelle épinière, bon, ben, c'est la paroi du tube qui constitue le tube neural à l'endroit où se situe la moelle épinière. Et le neuroectoderme va donner des neurones primitifs. Puis ces neurones-là vont se différencier pour former les différentes structures de la moelle épinière. Donc, on dit en avant, on va avoir les lames fondamentales. Donc, tout le long de la moelle épinière, on va avoir la même structure, les lames fondamentales, donc l'endroit ventral où vont se trouver les neurones motrices, alors que dans la partie arrière, on va avoir deux lames alaires, donc deux régions alaires où vont se trouver, dans le fond, les neurones sensitifs. Donc, motrices et sensitifs, et une répartition qui se fait vraiment à l'avant ou à l'arrière de la motrice. Voilà. Aux ailes, à cause de la structure d'herbe. Je pense que c'est ça. Puis, bon, on va voir qu'entre les deux lames, entre les quatre lames, dans le fond, les deux fondamentales et les deux alaires, il va y avoir un sillon qui va délimiter la séparation entre les deux. Puis, on va aussi remarquer que deux régions où il n'y a aucune cellule qui est ensemble, qui vont être le toit et le plancher. Donc, le toit est situé situé dans le fond à l'arrière et le plancher est situé en avant du canal central de la molécule. Donc, si vous voyez sur cette figure ici, donc ce qui est en bleu, c'est la substance grise, donc l'endroit où vont se trouver les corps cellulaires des neurones. Il y a différents types, mais celle-là, c'est la plus commune. Le corps cellulaire, cet endroit ici où on a les dendrites. Ici, on a l'axone. Donc, cette portion-là va se trouver dans la matière grise, donc ce qui est en bleu poudre sur la figure, alors que l'axone, comme ceci, va se trouver dans la région blanche, donc dans la région ici, la substance blanche, en fait, qui est la substance blanche, c'est parce que les corps des axones sont recouverts de myéline. La myéline a une coloration blanchâtre. Donc, c'est ce qui fait qu'on appelle ça la substance blanche. Ici, il y a de la myéline. Dans cette substance blanche-là, il n'y aura jamais le corps des neurones, il va tout le temps seulement avoir plein de fibres qui vont être constituées de plusieurs axones dans l'organe de myéline. Il y en a un corps qui est ici dans la substance blanche? Ici, non, c'est supposé d'être l'arrivée d'un axone. Mais oui, ça ressemble à un corps. Yeah. Je pense en avoir. Parce que, en fait, c'est, par définition, il n'est pas sur l'ordre de corps cellulaire. Parce que dans le corps cellulaire, il y a une pigmentation qui fait, en fait, que la pigmentation va être grise dans la matière grise. Donc, actuellement, c'est un arrivé déjà d'un axon qui va se ramifier. Donc, ici, je vous ai identifié, bon, les zones dorsales, donc les colonnes alaires, qui sont la région dans le fond, les nerfs sensitifs, et les colonnes ventrales, qui sont les colonnes fondamentales, qui sont responsables des neurones. Le plancher, dans le fond, qui fait ce qui est juste entre les deux, lame fondamentale ventrale et le toit, qui est dans le fond, par rapport à au niveau de la personne, dans la fonction arrière. Le plancher, c'est antérieur, oui, c'est postérieur. Donc, la région ventrale, vraiment la région motrice. La moteur, ça va passer dans la région ventrale de la colonne vertébrale, vers le ventre. Alors que les nerfs sensitifs vont passer dans la région dorsale de la colonne. C'est ça. Puis ici, bon, je vais vous montrer le futur canal central de la moelle épinière. Puis ça, dans le fond, c'est une représentation un peu précoce. Plus tard dans le développement, même il y a les nerfs spinaux qui vont se développer de chaque côté de la colonne vertébrale. Donc, on va avoir 31 paires de nerfs spinaux qui vont de chaque côté s'élaborer à partir d'un fond du tissu neural de chaque côté. Alors, ça veut dire que si quelqu'un se blesse au dos ou à la colonne vertébrale, oui, il faudrait que la blessure soit plus profonde pour que ça atteigne. Pour que ça sectionne, il faut que ça soit assez. Mais pour que ça se fasse une paralysie, ça serait les nerfs moteurs, dans le fond. Arrêter la force. Oui, pour arrêter la force, c'est vers l'avant, tandis que pour arrêter la sensation, c'est vers l'arrière. OK. OK. Comme à l'arrière, ça, les nerfs vont monter, puis à l'avant, motrice, oui, les nerfs vont descendre. La sensation va être dans la partie postérieure. Mais s'il y a une paralysie, il faut vraiment que ça soit qu'il y ait de motricité. Des fois, c'est la sensation qui peut être plus là, mais la motricité peut être encore là, partielle. Toute la substance blanche, elle est acellulaire, ou c'est juste le plancher? Ben en fait, on ne peut pas dire que c'est acellulaire parce qu'il n'y a pas de corps cellulaire, mais il y a des bouts de la cellule. Il y a des bouts de la neurone, dans le fond, parce qu'il y a les axones. Okay? On dit que c'est acellulaire parce qu'il n'y a pas de corps cellulaire avec un noyau, un cytoplasme, toute la production du transcellulaire. Okay? Donc, ensuite, on aère. En fait, ici, ce que vous voyez, c'est un peu la structure qui va se passer dans chacune des 31 nerfs spinaux. Vous avez, bon, mais ici, c'est la portion sensitive. Donc, vous avez la neurone, le corps cellulaire est ici. Puis, il y a un axone qui s'en va vers le côté de la matière grise. Puis, il y a un axone qui s'en va, vers le toucher. Donc, quand il va avoir une sensation au toucher, l'influx va passer, la cellule va le transmettre ici, puis elle va être acheminée, je ne sais pas si c'est le système nerveux central. La réponse va revenir par la voie motrice, puis va retourner au centre d'action. Donc, la gestion afférente de la sensation, puis la gestion efférente qui va être motrice, la régulation, dans le fond, du message qui a été reçu. Mais c'est ça. Il faut visualiser que, en fait, on a un carrefour ici, mais c'est une colonne qui monte et une colonne qui descend ici. Il y a certains signaux qui peuvent être ici gérés par un système de deux neurones. Qui, là, ça va passer directement du côté sensible au niveau moteur, sans avoir besoin d'être géré par le système nerveux central. Mais il y a d'autres actions qui vont monter au système nerveux central, puis l'effet vecteur, dans le fond, va redescendre par la suite. Puis ça, c'est-tu des arcs réflexes ou pas nécessairement? Quand on parle que ça va direct, ouais, c'est pas nécessairement ça. Moi okay. aussi, je pense que c'était ça. Ça a du bon sens, mais ça fait que je pense que ça va soit ça. Donc, c'est seulement, dans le fond, c'est ce réflexe-là qui est directement géré par la colonne. C'est très, très rapide. Oui. OK. Donc, pour le développement neuronal, bon, je parlais de la substance blanche qui est en périphérie, c'est les communications ascendantes, descendantes, donc c'est juste des axones qui passent dans la substance blanche. Alors que dans la substance grise, c'est là la gestion des communications interneurones. Donc, s'il y a des synapses qui sont dans la colonne vertébrale, c'est seulement à l'endroit où il y a la matière grise que les synapses vont se faire. Donc, la communication entre l'arrivée d'un axone, le corps cellulaire d'un autre neurone, mais la synapse entre les deux va se faire seulement dans la matière grise, parce que la matière grise, c'est là qu'il y a les corps cellulaires. L'arrivée de certaines axones, seulement les corps cellulaires se trouvent à cet endroit-là dans la matière grise. On vous a marqué, la moelle épinière a deux fonctions vitales dans la gestion du système nerveux. Donc, le lieu de passage des neurones qui relie l'encéphale du système nerveux central, puis l'intégration des réflexes spinaux, donc des réflexes élémentaires de protection, de posture, d'évacuation des viscères qui n'auront pas à passer par le système nerveux central qui vont être gérés directement par les neurones dans la moelle épinière. Donc, ici, après la moelle épinière, si on monte, la première structure qu'on va rencontrer, c'est le myélencéphale ici. Donc, pour le développement du myélencéphale, je vous avais mis une petite diapo. Bon, mais vous vous souvenez, on a parlé quand il y avait la grande croissance du tube neural, notre embryon s'est plié. Donc, il y a eu l'applicature de l'embryon au plan céphalocaudal que l'applicature latérale, c'est ce qui a donné un tube dans un tube, dans le fond. Puis, au même moment, mais on avait la croissance du tube neural et la fermeture des neuropores. Donc, pour ce qui est du tube neural, on va parler de deux courbatures principales puis une troisième courbature, la courbature du pont. Donc, la courbature mésencéphalique, c'est dans le fond l'endroit où se termine le mésencéphale. Donc, ici, ça va être un pli qui va être marqué dans le tube neural. Puis, on va avoir la courbature cervicale ici, qui va se faire plus au niveau du rhomboencéphale. Donc, parfois aussi, ils l'appellent la courbure rhomboencéphalique. Donc, la cervicale ici. Vous voyez ici, il y a le dessin des poches pharyngiennes là, qu'on a mis dans un autre cours. Ici, vous avez bon, le prosencéphale, le niveau du sillon optique, parce que tout l'œil va se développer à partir du diencéphale. Donc, où on va trouver le diencéphale? C'est là qu'on va voir le petit rond. Déjà, au niveau externe, au niveau de l'ectoderme, on voit qu'il y a une petite dépression qui s'est déformée à cet endroit-là. la mesure que le système nerveux central va se développer en dessous. Là, le nerf oculaire va se développer avec le globe oculaire et tout ça à partir du système nerveux. Ensuite, juste de comprendre que la courbure du tube neural aussi est induite par les croissances différentielles de l'embryon. Donc, la croissance beaucoup de l'ectoderme, mais beaucoup de la plaque neurale et de la formation du tube neural et de sa fermeture des neuropores. C'est tout ça qui a fait que la taille de l'embryon s'est repliée par l'avant, puis qui a engendré les courbures mésencéphaliques et les courbures cervicales. Pour ce qui est de la courbure pontique, on va avoir une autre courbure ici. Quand on va voir le développement du cervelet, cette courbure-là ici, c'est vraiment parce que le tube neural, il croît tellement, puis il est restreint dans l'espace où se développe la tête, qu'il va s'incurver. C'est quoi courbure. Ces courbures pontiques? Pontiques. On va en parler tout ça. Donc ici, bon, moi je vous ai marqué développement précoce de l'encéphale. La première étape, ça va être vraiment la dilatation. On va voir les trois ridicules, le prosencéphale, le microcéphale et le rhombencéphale. J'ai marqué l'allongement rapide du système nerveux dans le fond de l'embryon. Par rapport à la portion ventrale de notre embryon qui se développe moins, bien, ça va entraîner la courbure de l'embryon puis les courbures du système nerveux aussi. Peux-tu remontrer la courbure pontique? Pontique, oui, elle va se trouver là, environ ici. OK. On la voit sur une figure un peu plus loin. OK. Puis elle est mieux localisée parce que. Et ici, c'est une représentation, vraiment une représentation parce que là-dessus, c'est vraiment sur un plan plat. Mais vous avez mis les trois ridicules, un peu comme le même tableau qu'on avait tantôt, le prosencéphale, le mésencéphale, le rhombencéphale. Ici, on a la même plan centre. Le prosencéphale qui va donner le télencéphale. Vous voyez déjà, bon, il y a la forme qui est faite pour les deux hémisphères. C'est l'endroit où le tube neural va le plus proliférer. Bon, vous avez dit, les deux hémisphères, ça joue tout le cerveau. La structure va être des hémisphères. Donc, j'ai marqué les deux hémisphères cérébraux, les ventricules, puis la région médiane. On va voir tout à l'heure. Le diencéphale qui, lui, va donner principalement le troisième ventricule. Ça participer à la libération d'autres choses, mais dans le système nerveux, du coup, le troisième ventricule. Le mésencéphale va donner le pédoncule cérébral avec le développement du cervelet. Puis, le rhombencéphale de mésencéphale va donner le métencéphale, donc le pont cervelet, le myencéphale, la moelle allongée. On appelle anciennement un peu de rachidine. Donc, j'ai marqué, bon, vers la cinquième semaine, c'est là qu'on va passer du stade 3 vésicules au stade 5 vésicules. C'est un point marquant. Ça va être à ce moment-là que, je veux dire, le développement du système nerveux central va prendre son envol. À partir de là, ça va aller assez vite à partir de la cinquième semaine. On va avoir une cascade de développementale très accélérée pour le développement des différentes structures. La moelle allongée, c'est la moelle épinière? Non, la moelle allongée, c'est la jonction, en fait, entre la moelle épinière puis le pont cérébral, en fait, le tronc cérébral. C'est vraiment là, la jonction entre les deux. Donc, pour le myélencéphale, j'ai marqué, bon, ça donne la moelle allongée qui se prolonge dans la colonne vertébrale par la moelle épinière. Dans chacune des structures, on va voir, bon, il y a deux lamellaires et deux lames fondamentales, à part quand on va tomber plus loin. Donc, les lamellaires, c'est toujours les nerfs sensitifs qui vont se développer à l'intérieur, et les lames fondamentales, notre prolongation, ça va être toujours les nerfs moteurs. Donc, cette figure, ça vient du volume de Larsen. Puis, en fait, c'est qu'il y avait le développement. C'est un peu malin parce qu'il y avait le développement à la fois du métencéphale et du myélencéphale sur la même figure. Donc, ici, vous avez un peu plus précoce. On a le métencéphale, dans le fond, le tube neural à l'endroit où il y a le métencéphale. Donc, ici, si on faisait une section ici, c'est l'endroit qui est décrit comme le métencéphale. Puis, si on fait ici une section, on voit l'endroit dans le fond qui est en communication avec la colonne vertébrale en bas, la moelle épinière, et le myélencéphale. Donc, vous voyez que si on touche le tube neural aux différents, aux deux endroits, l'organisation des tissus est différente. Donc, ce qui fait qu'on détermine que là, c'est le myélencéphale, puis là, c'est le myélencéphale, c'est l'organisation des cellules neurales à cet endroit-là. Donc, au myélencéphale, ici, vous voyez, donc, en bleu, les lames fondamentales et en jaune, les lames alaires. Puis, c'est contrairement à la colonne vertébrale, où là, on avait vraiment une association, tu sais, en avant, fondamentale, en arrière, alaire. Bien, ici, ils se développent plus l'une à côté de l'autre. Donc, les deux colonnes fondamentales et les deux colonnes alaires de chaque côté. Puis, on a une énorme vésicule. Centre ici, puis ici on a le toit, dans le fond du myélencéphale. Donc cette structure-là, quelques semaines plus tard, va donner cette structure-ci. Donc on va avoir, si vous regardez ici, les lames fondamentales vont se séparer, puis ça va donner les différents nerfs ici, puis les lames alaires de chaque côté, et on va avoir de chaque côté. Séparer en trois pour le moment de chaque régime ici. Voilà. Ce qu'on va voir, on va une figure sur l'organisation des langues à la longueur. On va voir ça juste après. En gros, c'est de visualiser que maintenant, on a plus. Si on part de la moelle épinière, ben ici, dans la moelle épinière, ici, dans la moelle épinière, on avait vraiment des structures. Comme si ici, ici c'était ma région dorsale, on avait les deux lames alaires, puis dans la région ventrale, on avait les deux lames fondamentales, dans lesquelles on va développer les mains. Alors que quand on arrive dans la région du myélencéphale, mais là, on va avoir les trois voies fondamentales. Fondamentales ici sont des nerfs. Puis de chaque côté, ce qui était ici va se retrouver de ce côté-là, ce qui était ici va se retrouver ici. Et on va avoir ici les voies à l'air, donc sensitives, puis les voies motrices au centre. Donc, ce sont fondamentales. C'est l'organisation des fibres qui sont différentes. La distribution n'est pas la même, mais s'il y a un nerf fondamental qui part d'ici, il va s'en aller dans ceci. La même chose s'il y a un nerf à l'air qui part d'ici, il va s'en aller dans celui-ci. Le prolongement suit la même voie, c'est l'organisation des fibres qui n'est pas la même. Chacune des voies. Fait que les lames alaires qui sont latérales ici, bon, on va avoir des somato-afférentes, des viscéro-afférentes. Fait que somato-afférentes, c'est somatique. Donc, c'est ce qui va être associé au système nerveux somatique. Alors que viscéro-afférentes et viscéro-efférentes, c'est ce qui va avoir rapport avec la gestion du système parasympathique et sympathique. Donc, ceci, vous en ai énuméré quelques-uns, mais je tiens tout à ce que vous le reveniez, puisque moi, je les aimais pas. Parce que j'ai une carte pour ça, puis ça ne peut pas faire plus de mais, donc, ici, ce qui est important, c'est de visualiser que dans la colonne vertébrale, on a la portion alaire qui est dorsale et la portion fondamentale, motrice, qui est ventrale. Alors que l'organisation, quand on monte au niveau du myélencéphale, ça va être la même chose au niveau l'organisation va se faire plus comme linéaire. Donc, on va avoir des voies fondamentales au centre et des voies à l'air qui vont être latérales. Donc, ici, c'est un peu une représentation, dans le fond, de les nerfs qui viennent dans le tronc cérébral. Donc, le tronc cérébral qui va se former par les différentes structures ici, du mésencéphale et du mésencéphale. Donc, puis ici, il y a une erreur dans la figure, en plus. J'ai vu ça hier. La, ici, c'est une colonne efférente, c'est pas afférente. C'est lui ici. Donc, ce qu'on va voir ici, bon, vous avez encore le toit, qui était la paroi mince-mince. La paroi mince qui est ici, donc c'est la paroi qui est ici. Puis le plancher, donc toujours ce côté ici. Donc, si on regarde la figure que je vous montre juste après, c'est on coupe ça ici, puis on voit juste le côté. On ne voit pas l'autre moitié. Donc, on voit une, la moitié des doigts. Il y a les mêmes doigts de l'autre côté. Donc, si vous regardez ici, donc on a le plancher ici, ce qui était le milieu, l'enfant qu'on voyait dans le figure, le doigt qui devrait en fond se prolonger. Puis au centre ici, on a la cavité. Donc, ici, sur cette figure-là, une bonne représentation pour montrer un peu bon, ben, le rôle de chacune des colonnes dans le mélancéphale. Donc, les colonnes afférentes, donc, qui vont partir du bas, qui vont afférer vers la gestion de la système nerveux central, et les colonnes efférentes, qui, elles, vont induire vers une réaction vers le tissu périphérique. Donc, en haut, qui retourne vers le tissu périphérique. Vous avez quelques exemples. C'est cool, mais est-ce que c'est normal? Oui, parce que ici, celle-là ici, la viscérale spéciale, la viscérale générale est représentée en deux, mais des fois, dans le développement précoce, j'en ai juste une. C'est pour ça qu'ici, c'est séparé en deux. Mais vous voyez qu'il y a la même couleur. Puis dans le développement embryonnaire, on en voit juste. Afférent, c'est je reçois un message. Puis efférent, c'est je renvoie genre, la réponse. Oui. C'est tout le temps par rapport au système nerveux central. Donc, à la gestion des informations, dans le fond. Fait afférent, c'est ça s'en va vers la gestion d'information. Efférent, ça part du système de gestion, ça s'en va, dans le fond, effecteur, aller faire un effet. Genre, je ressens une douleur, je jette en haut. Ouais, genre ça. Action-réaction. En fait, à la base, c'est ça, c'est le nerveux. C'est action-réaction, il y a des actions volontaires, des actions involontaires, les différents systèmes. Par rapport à ascendant descendant? Ascendant descendant, ascendant c'est afférente, ascendante c'est la même chose, puis efférente puis descendante c'est la même chose. À mon ami, il écrit comme si c'était vraiment différent. C'était homme? Oui. Ah oui, c'est parce que. Il y a, parce qu'il y a ascendante, descendante, puis il y a vers la périphérie, vers la gestion, vers le retour, vers la colonne. Dans cette organisation ici, en fait, dans les systèmes de gestion où on passe par deux neurones, celle ici va être afférente, parce qu'elle va s'en aller. Efférente, elle va descendre, puis celle-là ici, ça va être transverse. Donc, ça part du système nerveux, puis ça va vers la périphérie. Ça, c'est dans les systèmes de neurones, comme dans le système sympathique et parasympathique. C'est là qu'on va faire la distinction. Il n'y aura pas juste ascendant et descendant, qui va avoir un transversal. Afférente. Ah, oh, ok, non, c'est pas la différence entre les parts neuronales et les actions. Parce que les axones, en fait, dans le fond, est-ce que c'est, mettons, ascendant, c'est toujours afférent, puis descendant, c'est toujours efférent, mais ascendant, c'est pas toujours ascendant, puis efférent, c'est pas toujours... c'est ça, en fait. C'est que je cherche d'autres termes. involontaires, dans le fond, qui sont aussi gérés par le système parasympathique. Mais l'effecteur, dans le fond, comme la gestion avec l'adrénaline et tout ça, va passer par le sympathique en moment de stress. Le sympathique, c'est vraiment là, on parle en courant, puis c'est toutes les fonctions sont activées en fonction de la survie. Le sympathique, c'est vraiment le moment de survie. Le parasympathique, c'est tout le reste du temps, la gestion de l'enfant. Ce que nous autres, on contrôle. Donc, on a fait le myélencéphale ici. Le métencéphale, dans le fond, le myélencéphale, c'est vraiment comme un tronc, une continuité, c'est la moelle allongée, la continuité de la colonne. Le métencéphale, c'est l'enfant qui donne naissance au pont et au cervelet. Sauf que la chose la plus facile à visualiser, c'est le cervelet avec tous les petits replis qui ressemblent à un petit cerveau dans le fond. Vous avez marqué, bon, mais le toit, ça m'incit fortement. Donc, la paroi qui est dorsale, donc, ça m'incit beaucoup. Ou la cavité au centre, la cavité épanglutinaire, donc la cavité qui part du centre de la colonne vertébrale, qui s'en va jusque dans le système nerveux central, cette cavité-là va se dilater. Ouais. Donc la cavité va se dilater et va former la portion crâniale du quatrième ventricule. Ensuite, on va avoir des lames à l'air aussi et des lames fondamentales. Dans le métencéphale, les lamellaires ont une constitution un petit peu spéciale parce que c'est elles qui vont donner tous les petits replis du cervelet, c'est les lamellaires qui se différencient, qui gonflent, puis ça fait de plus en plus de replis, c'est ce qui forme le cervelet. Donc on va le voir sur la figure d'après, puis c'est marqué, bon, les deux lames à l'air vont devenir les lèvres rhombiques, donc ça s'appelle rhombique à cause que ça revient du rhomb métencéphale. Puis ils vont s'approcher, donc le toit n'existera pratiquement plus. Les lèvres rhombiques vont s'approcher, vont fusionner. Donc, forme la plaque cérébelleuse, puis c'est là qu'on va trouver, dans le fond, les hémisphères cérébelleux dans le cerveau. Ici, vous avez, c'est encore la même représentation que tout à l'heure. Vous avez le toit, donc là, on va regarder cette portion ici, qui est le métencéphale, donc un peu plus haut. Dans le fond, à la base, ici, où on va voir après ça le développement du mésencéphale, bien, c'est cet endroit-là où on va avoir la courbure pontique. Donc, le pont, le tout neural, prochainement, il y a une incubation dans l'autre sens qui se fait. Puis, à cet endroit-là, bien, le toit va devenir très, très mince. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Puis, les lèvres vont vite, j'ai les colonnes à l'air, en jaune ici, vont proliférer de plus en plus, ils vont devenir très près de la surface, ils vont même pousser sur la surface ici du tube neural pour étirer la membrane, puis former des genres de vésicules qui sortent, puis ensuite ils vont s'accoler, puis ils vont fusionner. Donc on verra plus ici, il n'y aura plus cette portion-là du doigt, la portion ici de la lèvre rhombique et de l'autre côté. Donc, la trompée, ces deux portions-là vont fusionner ensemble. Après la fusion, bien, les lèvres trompées vont continuer à proliférer. Ça va donner tous les petits segments du cervelet. Ça, c'est la portion du cervelet qui va se trouver ici. Regarde. Si on regarde, vous avez aussi le développement, bon, les lames fondamentales qui sont encore présentes à ce moment-là. Donc, le nerf qui était ici, va se poursuivre dans la lame fondamentale, juste un petit peu plus au niveau du cerveau. Ça va être moi j'ai plusieurs fonctions nerveux central parce que cet endroit-là que certains nerfs vont s'arrêter. La figure ici, je l'ai mis pour montrer la courbure pontique. Vous voyez que les deux autres courbures, c'était on court vers l'avant, alors que la courbure pontique, c'est comme si pression sur le tube se replie dans l'autre sens. Ce qui va faire que les deux parois, la paroi ici et la paroi ici, vont venir s'accoler. Puis, on va le voir un petit peu plus loin ici. Mais vous avez à l'intérieur de ça, c'est les lèvres bombées qui se développent, qui forment le cervelet. Donc, la paroi fonctionne ici. Le myélencéphale qui est en train de se développer en dessous aussi. Donc, tout ce qui est de la qualité là, au niveau, c'est marqué que l'étancéphale va donner la moitié crânienne du quatrième ventricule. Ça va être la portion du métancéphale qui se fait juste en ici, en haut de la courbure pontique. Cet endroit-là va donner la portion crânienne du quatrième ventricule, la portion caudale du quatrième ventricule, la ligne du médiancéphale en dessous. Encore en continuité ici, on va aller sur le côté. Les replis, c'est ça, les lèvres? Oui, c'est les lèvres rondées. Donc, ça colle. Donc, polypère, le doigt s'amincit, les parois se coupent. Il y a vraiment une grosse dépression qui se fait à mesure que les lèvres rondées polypère, là, il va avoir le point. Une fois qu'il y a le point de fusion, là, il y a la coopération. Ici, le développement, bon, on voit ici, c'est représenté les lèvres rondées qui vont s'accoler. On va voir que le doigt ici, qui était ici va disparaître. Et en s'accolant par après, on voit que les replis du cerveau vont se former de plus en plus. Le fond qui est juste en dessous. Puis ici, ce qui est représenté, vous voyez l'infantigum. Puis quand on a parlé du développement de la neurotrophie, commence à fonctionner côté sensation. Ben, il y a différents niveaux dépendamment des sensations. Je ne peux pas donner d'exemple exactement sur chaque système. Mais je sais qu'il y a des systèmes qui vont développer plus tôt, puis même au niveau des différents sens, là, il y a d'autres systèmes qui vont développer vraiment plus tard, vraiment à la fin. Mais en fait, comme au niveau du oui, je pense que c'est autour du cinquième mois à peu près que le bruit va déjà commencer. Mais c'est surtout par une vibration. C'est que ça va être pas tellement un son, mais une vibration qui va être capable d'être gérée comme un son. Mais tous les autres, je n'ai pas de période de temps. Mais je sais que ça n'arrive pas tout en même temps. C'est vraiment une chronologie là, qui se chevauche jusqu'à la fin. La douleur. Oui, vraiment la couleur. Ah, ça, c'est bien qu'on connaisse. Je parlais un peu de douleur. Parce que dans les causes d'avortement, justement, là, il y a plein d'études qui se contredisent là-dessus, dépendamment c'est dans quel cas, là, pour dire justement, à partir du moment, mettons, 8 semaines, qu'il y a déjà une gestion de la douleur qui se fait, donc, dépendamment de la méthode pour la fœtus, que ça serait vraiment. Déjà un être humain parce qu'il sentirait la douleur à ce moment-là. Puis il y en a d'autres qui disent que non, ça développe plus de douleur, il faut attendre là, vraiment l'élaboration là, du multi-encéphale correctement, là, puis de la maturation de certaines neurones pour avoir une gestion adéquate, puis dire que c'est vraiment un messager là, qui vient de ce qu'on a fait. Je n'en parle pas. Ça, c'est pas encore. C'est assez difficile. Puis même dans ces cas-là, essayer de transférer des études sur des animaux à des études chez l'humain parce qu'on n'a pas tout à fait la même gestion, je vais dire les choses, ben, on ne peut pas faire ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être que le métancéphale, vous dites nous aussi chacune des lames, qu'est-ce que ça va gérer sur les différents noyaux? Vous pouvez regarder ça. Parce que tous mes encéphales, donc la vestibule du milieu, c'est marqué, bon, la cavité épandimale, la cavité dans le milieu va rétrécir et va devenir très fine à cet endroit-là. J'ai marqué son développement, c'est surtout les follicules qui vont se faire. Le mésencéphale, il devient très, très petit par rapport au reste du fond du cerveau. Puis, il va gérer principalement les réflexes oculaires et les réflexes au niveau de l'audition. Je vais vous montrer les follicules sur la figure d'après. Puis, dans les lames alaires, dans les lames fondamentales, on va avoir la formation des groupes là, somato-efférents et cérébro-efférents. Donc, efférents qui amènent les messagers vers le système nerveux central. Donc, voilà. Aussi, c'est de la gestion avec la vision et l'audition parce que c'est au niveau oculomoteur, protéaire et oculomoteur accessoire. Donc, je vais vous enseigner beaucoup à ceci. Au niveau l'oreille et oculaire. Donc, le mésencéphale, sa principale modification, c'est qu'il va passer d'un un tube où on a bon, d'un côté les colonnes alaires, de l'autre côté les colonnes fondamentales. On a toujours le plancher qui est le côté ventral, puis le toit qui est le côté dorsal postérieur. Et sur le côté postérieur du mésencéphale, on va avoir le développement des colonnes alaires pour former les follicules. Donc, les follicules ici qui sont dans le fond des noyaux de gestion de neurones. Donc, il y a les supérieurs et les inférieurs. Je vous ai marqué mon même supérieur. Je vous ai marqué ici que les supérieurs, c'est les réflexes oculaires. Les inférieurs, c'est la voie de l'audition surtout. Ils sont très proches. Puis, on a les colonnes fondamentales qui, elles, se prolongent. C'est encore un prolongement de ce qui se passait ici. Donc, les colonnes fondamentales dans le mésencéphale, on va avoir quatre nerfs qui vont passer ici. Puis, on a ici les noyaux rouges. Les noyaux rouges, ici, je voulais dire, c'est la substance noire ici. C'est que ici, les lames alaires se différencient. Puis, de chaque côté, on voit, c'est la substance noire. C'est qu'il y a vraiment un pigment très noir là. C'est les cellules qui se retrouvent là. Bon, il va y avoir des mélanocytes. Donc, ils vont produire de la mélanine, qui est la pigmentation noire. Puis, ces cellules-là, quand il y a, dans les cas de Parkinson, il semble que c'est en fait une atrésie de ces cellules-là qui serait directement liée au Parkinson parce que les réflexes moteurs vont passer ici, puis ça serait directement lié aux réflexes moteurs non volontaires qui est engendré là, dans les maladies de Parkinson. Parce que les cellules neurales vont donner, on parle de structures neurales qui se développent en différents neurones, dans le les astrocytes, mais ça va donner aussi des mélanocytes. Les mélanocytes, c'est le petit pigment noir. Puis si on coupe un cerveau, on peut voir qu'il y a des petits pigments comme noirs dans le cerveau. C'est les mélanocytes qui sont développés à partir des cellules neurales. Pour ce qui est du développement du diencéphale, j'ai parlé beaucoup du développement de la neurohypophyse qui va provenir du diencéphale, mais aussi les deux régions importantes, l'hypothalamus, qu'on a parlé beaucoup parce que l'hypothalamus, c'est à la fois un organe endocrinien et nerveux. Puis c'est vraiment l'endroit où l'interaction entre le système nerveux et le système endocrinien va se gérer. Donc, l'hypothalamus qui va venir du diencéphale, donc cette région-ci, même endroit où on va avoir le développement de l'œil, on va avoir le développement de la neurohypophyse, puis du thalamus. Ça va donner naissance au troisième ventricule, la formation diencéphale, le développement diencéphale, donc la croissance du système neural et du plexus coronarien. Donc, ici, on a bon, la portion du diencéphale qui est à peu près tout ce qui est couvert, sauf la portion, la petite portion ici qui est le diencéphale. Mais on va avoir à l'intérieur, dans les lames, ici vous avez le toit, à l'intérieur, dans les lames, on va avoir le thalamus et l'hypothalamus qui vont se développer. L'hypothalamus, qui était la glande pinéale, va se développer aussi à partir du diencéphale. Donc, la glande pinéale va se développer à partir du toit, puis c'est une prolifération du nectodéon par la glande pinéale. Tandis que le thalamus et l'hypothalamus, c'est vraiment c'est des neurones qui vont se épaissir pour former cette région-là. Ici, j'ai remonté l'infantilum, donc l'endroit où la neurohypophyse va se développer. Donc, elle va s'évaluer à partir du diencéphale. Donc, c'est ce qui est à retenir pour le diencéphale, la formation du thalamus, de l'hypothalamus, du plexus choroïde qui va être impliqué dans la sécrétion du liquide cérébrospinal. En périphérie du cerveau et à l'intérieur des ventricules dans la colonne vertébrale aussi, puis la formation de la neurohypophyse. Le troisième ventricule. Donc, le quatrième ventricule qui était ici, le troisième ventricule qui se forme ici, les deux autres ventricules vont se former dans les deux hémisphères cérébraux et latéraux. Donc, ils vont se former à partir du gros encéphale, la portion préencéphale, qu'on voit qui est la dernière. Donc, le télencéphale, c'est le développement le plus marqué. C'est le tissu neural qui va profiter le plus parce que ça va former. Au début, c'est un hémisphère. Puis, les autres structures sont déjà dans une, leur proportion finale. Les deux hémisphères vont vraiment croître, puis vont aller recouvrir tout le reste des autres structures, pratiquement, du système nerveux central. C'était élaboré. Donc, bon, je vais vous montrer, c'est des expansions latérales du télencéphale. Donc, comme c'est les deux bouchons de côté, la couche neurale qui les forme va croître pas, la cavité à l'intérieur, à mesure que le tissu neural se développe et les cavités deviennent un petit peu plus petites. Donc, les ventricules qui sont. Parce que les hémisphères, c'est comme un peu ballon qui vient à l'intérieur, là, avec de grosses cavités. Le tissu. Le neuronal se développe beaucoup, ce qui fait que les ventricules sont petits par rapport à la couche des cellules de neurones qu'il va avoir à la fin. Le cortex cérébral, c'est de la substance grise. Donc, dans la substance grise, il y a les corps cellulaires, beaucoup. Il y a peu d'axones, c'est des neurones qui sont plus petites. On va avoir différents noyaux où on va avoir des connexions entre neurones qui vont se faire, donc la gestion de l'information. C'est marqué que la majeure partie du cortex, c'est des couches de 6 neurones, une par-dessus l'autre. 95% des hémisphères, c'est vraiment des couches avec 6 neurones, c'est une couche très épaisse. Puis, on appelle ça aussi le mésocortex, connaissance personnelle. Puis, il y a d'autres régions où on va avoir seulement présente une couche ou deux couches, encore moins que cette couche de neurones. Donc, le cortex est très, très dense en cellules nerveuses. Donc, c'est dans les hémisphères qu'on va trouver les ventricules latéraux. Donc, ici, vous avez encore dans le développement embryonnaire, donc, vous avez ici, c'est vers la 17e. Donc, le plexus choroïde, qui s'était formé à partir du diencéphale, on le voit ici. Le plexus choroïde, on a le toit ici. Puis ici, vous avez le développement des hémisphères. Donc, tout ce qui est en jaune, c'est du tissu nerveux qui s'est développé, qui est différent, dans le fond, de l'hypothalamus, qui est développé ici, puis le thalamus, qui est juste un petit peu plus. Puis à l'intérieur, ce qui est en plein ici, bien, c'est les ventricules. Donc, à ce moment-là, on a encore une grande communication entre les deux ventricules latéraux et le troisième ventricule. Donc ici, bien, c'est important de situer le thalamus, puis l'hypothalamus. Ces tissus-là vont continuer à croître. Donc si on regarde ici, un petit peu plus tard, bien, on a ici, dans le fond, le fœtus choroïde qui est là et les ramifications qui sont ici. Ce fœtus choroïde va synthétiser le liquide cérébrospinal qui est surtout associé avec le système nerveux central. Donc, on a les deux ventricules de chaque côté. Le développement des hémisphères n'est pas encore complété parce qu'on voit qu'il y a encore un trou entre les deux hémisphères ici. On peut bien voir le canal qui est encore ici. Mais le liquide passe à l'intérieur ici, va aller dans les ventricules, puis va aller à la périphérie, en surface, là, sous la rectum, qui est la deuxième couche du cerveau. Donc, on a le thalamus de chaque côté. Tout ce qui est ici, c'est des cellules nerveuses, tout ce qui est en jaune. Puis vous avez notre hypothalamus. On a parlé dans l'interaction entre l'hypothalamus et l'hypophyse. On va avoir des neurones qui vont avoir la tête ici, puis l'axone qui descend dans la neurohypophyse. Il y a une petite digestion que dans le système. Ici, vous avez vu la lame terminale. Cet endroit-là, la petite lame terminale, ça se trouve entre les deux hémisphères sur le plafond ici. C'est l'endroit où le neuropore antérieur s'est fermé. Donc, la fermeture du système neural, on peut l'identifier encore à ce stade-là. Le petit point de fissure, la dernière place où le neuropore s'est fermé, c'est au niveau de la lame terminale. En gros, c'est pas mal. Ça, cette figure-ci, c'est pour permettre de visualiser à différents mois dans la croissance embryonnaire l'état de la fonte d'évolution des hémisphères, donc de l'encéphale. Donc à 4 mois, on voit qu'il y a pratiquement juste un gros hémisphère. Puis à 8 mois, il est déjà passé par 6 mois, mais en fait, en 6 mois puis 8 mois, il n'y a pas un gros changement. Les changements majeurs, quand on passe d'ici à ici, c'est la croissance du tissu neuronal qui va faire que par cette croissance-là, en élaborant plusieurs couches de neurones, ça va former des sillons parce que le tissu ne pousse pas pareil partout. Puis, ces sillons-là, c'est ce qui va permettre de délimiter les différents lobes du cerveau. Donc, les différents replis qui se forment à mesure que la croissance différentielle des différents lobes. Mais on va voir qu'à 6 mois, on est capable d'identifier bien, le lobe frontal, le lobe temporal. Puis, quand on arrive vers 8 mois, bien, on a déjà une maturation, une évolution des hémisphères qui va être très grande. Puis, on a mon cervelet qui toujours à peu près dans la même proportion par rapport au développement du système nerveux central. Donc, il est marqué à la fin, on aura quatre lobes, donc le lobe temporal, le frontal, le pariétal et le lobe occipital. Ça va. La figure ici, c'est que vous regardez surtout l'organisation par rapport au cervelet ici, puis le reste des hémisphères, vous avez les ventricules à l'intérieur, en fait le plexus choroïde, donc on a parlé qui était ici, qui est la sécrétion du liquide cérébrospinal, vous avez l'hypophyse, la génétique, l'hypothalamus, donc on voit l'association directe, puis en principalement aussi les proportions par rapport au tissu nerveux, par rapport à notre petit hypothalamus, puis la minuscule hypophyse qui régule bien des choses dans le corps de la femme. Donc, la moelle allongée, une bulbe rachitine, puis la moelle la continuité à l'allongée. Cette figure-là, je vous l'ai mise, c'est, je pense que c'est la dernière figure, c'est pour, en fait, c'est pour visualiser la circulation du liquide à l'intérieur, là, que ce soit à l'intérieur de la moelle épinière, en périphérie, à fond, ici, de la moelle épinière, autour du cervelet, puis à l'intérieur du cerveau, dans les ventricules, mais aussi à la surface du cerveau, qu'on va avoir la circulation du cerveau-spinal, qui a un rôle bien important dans la protection donc, du tissu nerveux, qui est un tissu qui est facilement par rapport à un affront, va être très très sensible, il ne sera pas résistant comme un tissu épithéliaire. Est-ce que ça se peut qu'il y a des gens qui sentent leur cerveau bouger? Ça, je ne peux pas dire. Je ne peux pas expliquer ça. Tout le monde dans le registre qui est spécialiste. Monsieur Bronchi. Mais en fait, Gabriel. Ça branche pas sur parce qu'il y a une certaine pression dans le liquide cérébrospinal qui ne devrait pas brasser. Par contre, on sait que chez des jeunes enfants où là, la maturation du cerveau n'est pas complète, puis les hémisphères n'ont pas atteint leur taille finale, la pression est moins bien équilibrée que chez un adulte. Puis le fait de brasser un enfant va causer beaucoup plus de dommages que si on prenait un adulte. Mettons, à partir de 15 ans, on peut dire que le cerveau est à peu près dans sa maturation finale. Là, on peut les brasser. Puis, je dis là, on peut les brasser. Brasser un enfant de 15 ans, c'est ça. C'est ça. Non besoin. L'impact de brasser un enfant de brasser un enfant de 15 ans, si on fait abstraction de la force, c'est tout. Le cerveau d'un enfant de 2 ans est encore petit par rapport à sa voûte crânienne, par rapport à l'équilibre et à la pression du liquide à l'intérieur. Donc, comment je peux dire, le contrôle protectif du liquide ne sera pas le même que dans un adolescent de 15 ans, où là, la pression est mieux régulée, puis la même force de mouvement, mettons une tête molle d'un enfant de 2 ans et une tête molle d'un enfant de 15 ans, là, on peut avoir chez l'enfant de 2 ans des lésions majeures que chez la personne de 15 ans n'aura pas ça. À cause que là, à ce moment-là, l'organisation de la gestion de la pression du liquide cérébrospinal est mature, donc très efficace. Chez un jeune enfant, bien, c'est le liquide cérébrospinal. Donc, lapinaire, elle, c'est vraiment comme un petit feuillet, puis c'est collé sur le cerveau. Pour l'enlever, il faut vraiment faire très, très attention, ça ne déchire à rien. Ça maintient tous les petits replis. C'est fin, ça s'intercale dans les petits replis. Alors que l'arachnoïde, c'est comme un tissu un petit peu plus grossier par-dessus. Puis, ça fait la différence entre, en fond, la dure-mère, qui est la troisième couche des méninges. La dure-mère, elle, c'est une couche plus épaisse, qui est plus rigide, qui est par-dessus. Je peux vous dire les méninges, non, c'est des couches de tissu. C'est ça. Puis, en fait, tu peux avoir un agent pathogène dans le liquide, mais l'infection des méninges, c'est en fait une couche qui va être par-dessus. C'est ça, la pimère, la durmère, la durmère. Ils ont vu ça dans leur liquide, ils ont vu l'infection. Ils ont détecté le pathogène dans le liquide. Mais en fait, parce que les méninges, on ne peut pas aller préparer un morceau de méninge. Mais la meilleure indication qu'il y a une infection des méninges, c'est que ça va se retrouver dans le liquide cérébrosculaire. Dépendamment où ça se retrouve, là, tu peux dire que l'infection va passer. Un adulte qui a comme un retard, est-ce qu'il va avoir un petit cerveau d'enfant qui peut cogner? Non, en fait, le retard, c'est pas la grosseur du cerveau, c'est la capacité des connexions qui sont dans le cerveau. Donc, l'efficacité là, des influx entre les neurones, c'est là qui va faire que, quand on dit qu'il y a un gros QI ou un petit QI, une petite QI dans la moyenne, c'est la gestion de l'information qui se fait. Comment l'efficacité dans le fond de communication dans on peut dire, tu sais, quand on dit, ben, mais moi, je suis bonne en maths. Mon fils, lui, il est vraiment très artistique, il est sur les arts et tout ça. Mais ça, à la base, c'est certaines zones de gestion de ton cerveau qui sont mieux développées que d'autres, ou que les connexions sont plus efficaces que d'autres, qui vont faire que dans cette capacité-là, tu vas avoir de meilleures capacités qu'un autre. Donc, ça, c'est bon. Mais ça commence à être compliqué. La localisation des lames alaires et des lames fondamentales vont se faire à chacun des niveaux. Les dessins que tu as fait tout à l'heure? Oui, les dessins que j'ai fait. Pas les nécessairement les mêmes. C'est ça. Pour ce qui est des différents nerfs qui passent dans, à chaque région, dans chacune des colonnes, ça, non, ça m'intéresse pas que vous sachiez ça. C'est un cours d'anatomie fondamentale. Ou là, pour mon genre d'apprentissage, c'est pas quelque chose que vous allez vous dire. En rouge, oui, ça va être la. En fait, ici, dans les sinus, on va avoir l'acheminement des vaisseaux sanguins. Donc, toute l'oxygénation, une petite bosse sur la c'est ça? Ah, c'est des petites différences qui peuvent sortir. fait un échange entre le liquide cérébral spinal et le système sanguin par les boosters. Ça participe aussi à l'oxygénation du cerveau au niveau des boosters. Donc c'est normal d'avoir ça. C'est normal d'avoir ça. Non, c'est normal. C'est en fait, pense un peu aussi à la même structure dans le placenta et les boosters. Dans les boosters, c'est là qu'il y a l'échange. Et qu'on peut penser que, mettons, les sinus en haut, ça serait comme la circulation maternelle. Les gloucités arachnoïdes, c'est les gloucités dans le placenta. Et là, on a un échange, il y a toujours une barrière entre les deux, circulation, entre la circulation cérébrospinale et la circulation sanguine au niveau du cerveau. Mais ça passe à travers les barrières, un peu comme dans le placenta. Il n'y a pas de communication entre les deux sangs. Ça passe à travers les barrières qu'il y a différentes couches de cellules. Mais il y a une communication entre les deux, il y a des échanges gazeux par diffusion qu'on sent. Donc, l'oxygénation va passer par le pied sur le sol. J'ai pas très bien compris le processus. Le tissu choroïde. Le vaisseau choroïde, son importance, c'est la production du liquide cérébrospinal. S'assurer qu'il y en a une bonne quantité, que la pression est maintenue dans tout l'endroit où il y en a. Parce que le liquide est synthétisé à chaque fois là, mais il y en a aussi qui est synthétisé dans la colonne. Le liquide circule en bas. Donc, il y en a produit dans la colonne, il y en a produit dans la colonne. C'est ça qu'il faut comprendre, les ventricules sont très gros par rapport au scanner. Il provenait du diencéphale. Ici, tu vois, dans la formation du diencéphale, c'est comme une petite protubérance qui va partir du tissu nerveux. Il va le différencier. Parce que dans le tissu nerveux, il va avoir des cellules, des cellules de l'épandine, dans le fond, qui sont capables de sécréter ces cellules-là, qui ne sont pas des cellules nerveuses, qui sont des cellules accessoires, dans le fond, des cellules nerveuses, vont être capables de sécréter les cellules. C'est juste. Il n'y a pas de nerf, là-dedans. C'est vraiment comme une petite plante sécrétrice. C'est vraiment tout. C'est les petits sacs ici, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits sacs, les petits Mais tout le reste, là, comme l'endroit où on parle des différentes grossesses gémelles, c'est important d'être capable de visualiser comment on peut avoir mono-amniotique, mono-corpiale ou diamniotique, dicorpiale, dans quel type de grossesse gémelle on va les retrouver. Donc, ça, pour les grossesses gémelles, c'est important. Il n'y aura pas de questions précises là-dessus, mais il n'y aura pas de questions générales non plus. Mettons, qu'est-ce qui se passe entre 21 et 25 semaines, puis on est ce qu'on sait. Non. Est-ce qu'on sait qu'on sait que la colonie arrive avant ce qui arrive? Non, ça, non, non, je ne pas une chronologie, non, parce que ça, ça sert à rien. Ce qui m'importe, en fait, ça, tu sais, je vous l'ai mis, puis je vous ai dit, c'est pour votre connaissance personnelle, de voir un peu la chronologie pour vous retrouver. Tu sais, on. Qui est enceinte à cette période-là, ben, il va peut-être vous demander, Marie, qu'est-ce qui se passe là? Mais il y a plein de livres là-dessus. Tous les livres d'accompagnement de la grossesse, c'est l'énumération de ce qui se passe à chaque semaine. C'est Internet aussi. Dans votre demande, que vous sachiez, que vous sachiez pas, il y a toujours une place où vous allez être capable d'assister. C'est d'avoir fait un idée un peu de ce que c'est. Ce qui est important, mais c'est plus, bon, ces semaines-là, ça, c'est plus. Ce qui est important, mais mettons le développement du fœtus, la croissance différentielle statuto-pondérale, c'est-à-dire qu'au début, on a une grosse tête qui prend à peu près la moitié du corps, puis après ça, on a un changement morphologique parce que la tête, par rapport à la proportion, on devient à peu près un quart, tout ça, dans le sens. Ça, c'est des choses qui sont plus importantes à savoir que de savoir les ondes se développent après ça. Donc, ça, comme ça, l'effet bon, tout ça. Ça non plus, je ne demande pas là, à quelle semaine, le lendemain, à quelle longueur. C'est intéressant, mais c'est important de les savoir plus tard. C'est une règle, puis les règles changent aussi, dépendamment si on regarde dans les normes canadiennes ou les normes américaines, les longueurs des embryons, les normes ne sont pas les mêmes. C'est une chose qui se passe par cœur. Pour les grossesses gémelles, ben ça, cette figure-là, il faut bien la comprendre. De visualiser comment on peut avoir un ovocyte qui se sépare en deux ou deux ovocytes qui sont fécondés séparément, puis ça va donner soit des jumeaux dizygotes ou des jumeaux monozygotes. C'est pour arriver à extrapoler ce qu'on voit dans le normal, ce qui arrive dans le pathologique, de savoir un peu, bon, mais quelle part, ça ne se fait pas normalement, ça va créer telle pathologie. Mais si vous demandez une autre, telle pathologie va venir de la normalité, le développement normal de quelle section, du placenta, des choses comme ça. Dans le placenta, tout ce qui est développement de la structure du placenta, pour le côté des glucides qui proviennent du fœtus, puis le côté de la caduque qui provient du côté maternel, ça c'est très important, de comprendre le développement des deux, l'association des deux. Et comment ils vont s'enchasser l'un dans l'autre, puis qu'il va y avoir une communication entre les deux. Donc ça c'est les premières diapos. Bon, les quatre membranes embryonnaires, c'est toutes les choses qu'on a vues quelquefois qui sont importantes de savoir, de connaître. L'implantation, où va se développer le placenta, qu'est-ce que c'est des glucidés, de quoi sont composés des glucidés coriales. Tout ce qui est élaboration de la structure du placenta, développement des glucidés, c'est super important. C'est une chose et comment, dans la chronologie du placenta, ben, il faut voir qu'au début, il y en a partout des blocités, comme je vous ai dit, à un moment donné, l'embryon prend de l'expansion, il écrase les blocités, puis on se retrouve juste avec un placenta qui fait face à notre embryon. Donc, il est circonscrit. Il n'y a plus d'échange sanguin tout le tour de l'embryon, mais seulement un placenta circonscrit. Ça, c'est important de le visualiser là, dans la chronologie du développement. des types de circulation comme ça. Les échanges se font, qu'il n'y a pas d'échange sanguin entre la mère et le fœtus, que c'est des échanges à travers des membranes. Comment ça peut faire pour cheminer d'un bord à l'autre? La structure du placenta, bien, c'est d'identifier, je ne vous demandais pas d'identifier les différentes couches sur la capsule basale, tout ce qui est côté maternel, parce que la nomenclature genre, est beaucoup variante de ce côté-là. Ce qui est important, c'est de comprendre la structure, la vélocité, puis la couche maternelle, que le placenta s'est fait des deux, la couche maternelle et la couche fœtale. Donc, qu'est-ce qui est maternel, qu'est-ce qui est fœtal dans un placenta? Les échanges, comme vous parlez tantôt. Pour ce qui est des types d'échanges, je vous avais dit, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a différents types d'échanges qui sont les mêmes que dans toutes les vélocités dans notre corps. C'est capillaire, c'est, je vous demande juste de savoir ces quatre types-là, mais pas nécessairement qu'est-ce que ça comporte. La diffusion, c'est important pour l'oxygène et l'air carbonique. Le transport actif, d'autres molécules, donc mettons les ions, le zinc, le magnésium, la diffusion facilitée, un autre type de transport, et de l'endocytose. L'endocytose, c'est la cellule à l'aval, un morceau de quelque chose qui est à l'extérieur, donc endocytose. Donc, de savoir qu'il y a quatre types d'échanges en placenta, c'est quatre types. Mais je ne vous demanderai pas, bien, le magnésium, passe à travers le placenta par quel mode de transport? Ça, je vous demande de savoir les quatre types de transport qui sont là, que ce n'est pas juste la diffusion qui suit. Parce que la diffusion, c'est un mode de transport qui est très problématique. Seulement les gaz. Puis, les fonctions du placenta, on a vu différentes hormones qui sont produites par le placenta, mais il faut les connaître. HCG, on a parlé de la progestérone, des estrogènes. Pour ce qui est de la progestérone et des estrogènes, je vous ai dit ce qui est important, je ne vous demande pas de connaître toute cette chaîne-là de conversion, le cholestérol en progestagène pour finalement donner la progestérone. Ça va être aussi impliqué dans la production des androgènes et des estrogènes. Ce qui est important de savoir, là, pour la production, comme ici, la progestérone, il faut savoir que dans le placenta, la progestérone, ça prend seulement la produire, le côté maternel et le côté placenta. Donc, il faut que le placenta il soit connecté à sa mère pour que le placenta arrive à produire de la progestérone. Si je prends juste mon petit placenta, puis je le sors du corps de la mère, il n'est plus capable de produire de la progestérone. C'est ça qui est important. Puis pour les estrogènes, ce qui est important de savoir, c'est que, si je vous l'avais marqué en rouge, c'est la collaboration entre le placenta et le fœtus. Donc, parce que s'il y a seulement le placenta encore, il n'y a pas d'estrogènes qui vont être produits. Ça prend absolument l'action au niveau du fœtus. Je vous ai marqué ici que le placenta est capable de prendre des androgènes et d'en faire des estrogènes. Mais dans le fœtus, les glandes surrénales, elles, vont produire des androgènes. Ce que ça veut dire, c'est que le placenta n'est pas capable d'en produire tout seul des androgènes. Ça prend absolument la production des androgènes par les surrénales fœtales. Les précurseurs androgéniques passent dans le placenta. Le placenta va utiliser ça comme matériel pour produire des estrogènes. C'est ça qui est important, la collaboration placenta-fœtus. Puis en fait, cette figure-ci, ça résume pas mal les hormones importantes qu'on a parlé pour la production endocrine du placenta. Donc, si vous voulez savoir si vous savez toutes les hormones qui sont importantes dans la production endocrine du placenta, c'est sur cette figure-là. Thank you. Le rein, après ça que le, La collection se fait dans les reins, ça descend dans les sous-terres, ensuite ça arrive dans la vessie, puis que là c'est l'urène. Ensuite, c'est l'urène. C'est la fonction des reins pour la régulation de l'homéostase. La même chose, c'est le début de cette expression. Ceux-ci, je vais vous partenir, là. Peut-être que si vous voulez suivre le petit cheminement, comment la circulation sanguine pour aller au niveau de la filtration glomérulaire, puis ensuite la sortie du sang qui va passer dans le rein. Ça aussi, c'est juste de visualiser la filtration. La majorité de la filtration se fait ici dans le glomérule. Donc l'absorption se fait beaucoup là. Puis ici, on peut avoir de la réabsorption dans le capillaire. C'est pas juste localisé ici, que tout le long de la paroi du tubule, il va y avoir différentes cellules qui vont soit sortir des éléments qui sont en trop grande concentration ici, qui sont en trop faible concentration surtout ici, ou là rendu ici, bien, il y a d'autres molécules qui peuvent être dans le fond. Retourner dans les canaux excrétaires. Le système requis n'a pas pu passer, mais on ne s'attendra pas là-dessus. Ça, je vous l'avais mis pour les changements au niveau du système final durant la gestation de la vie. On ne peut pas la faire. Non, on ne peut pas la faire. Non, je ne demanderais pas d'énumérer les fonctions. En fait, les fonctions, connaissez-en quelques-unes. Ouais. Parce que s'il y en a 10, ça peut que tout le monde en donne 5, comme ça. Je veux savoir au moins quelques fonctions du rein. Mais je ne demanderais pas d'énumérer une liste de facteurs. C'est important de comprendre que le rein, ce n'est pas les mêmes fonctions que le cœur. De la barbe. Ça, on n'est pas pire. À l'appareil respiratoire. Donc, l'appareil respiratoire, c'est de voir un peu comme le développement de chacune des structures. De comprendre que bon, mais c'est un diverticule qui provient de l'endoderme, ça c'est important, ça vient de l'endoderme, mais c'est pas l'endoderme tout seul qui étudie le développement du appareil respiratoire, c'est aussi tout le mésoderme qui va être associé à ça. Puis, on a vu ça en deux périodes, soit l'appareil respiratoire supérieur et inférieur. Donc, c'est d'être capable de situer un peu l'anatomie de chacune des constituantes, autant que ce soit le larynx, le tracheus, les bronches, les lobes, les différents poumons. Avec le développement. Puis, dans les arcs pharyngés, ça, je vous ai dit, j'ai tout mis plein de figures, hein, mais je ne vous demandais pas de me dire, dans ici, là, dans la poche pharyngienne numéro 1, il y a un muscle. Quel muscle ça donne dans notre muscle? C'est ça le genre de choses que vous demandez, parce que je vous ai dit, de toute façon, je vous les ai mis juste pour vous situer par rapport au développement des poches pharyngiennes. Vous regardez, depuis le site, au début, c'est des poches, mais après, ça forme une tête complète avec les vaisseaux, les nerfs, puis les cartilages aussi. Qui vont être associés à ça. Ce qui est important dans le développement des poches, c'est quand on voit le développement du pharynx et le développement du massif facial. C'est vraiment l'apparence de la structure la fin de ce qu'on a ici. Le développement du massif facial, d'être capable de situer les différents bouchons, là, les bouchons. Les bouchons frontales, les bouchons maxillaires et mandibulaires. Et ensuite de voir qu'est-ce qui donne quoi. Tu sais comment que le diaphragme se développe ici, ça provient des plaques nasales qui étaient dans le milieu déjà. Donc, ça, ça donne le fait pour ça, c'est l'élaboration de la face. C'est important de comprendre chacune des structures qui va donner le fait. Si vous regardez là, cette petite animation-là, vous allez me donner qu'est-ce qui est quoi. Vous êtes capable d'avoir pas mal d'appris. C'est important pour ça. La cavité nasale, c'est la même chose. La chose, c'est de savoir que dans le fond vers l'intérieur, ça va rejoindre en même temps l'élaboration du pharynx en arrière. Là, on va avoir la formation des poils, le palais primaire, puis après, on voit le développement du palais secondaire, différentes structures dans le fond qui vont former le palais secondaire, le septum nasal, qui vont former dans les deux trous nasales qui sont en prolongation avec les narines. Développement de la langue, je vous montre pas le phonème, je vous l'ai mis dans la matière pour vous situer parce que dans le fond, on était en plein dans le développement de la bouche, du pharynx et tout ça. La langue, c'est-à-dire que telle, là, on l'a suivi en classe, ça vous donne une idée d'où ça vient, ce gros bouchon-là. Tout ça. La dernière partie, le diverticule respiratoire, bien ça, c'est très important. Le centre même du système respiratoire, c'est le développement du diverticule respiratoire, comment il va se ramifier, puis qu'est-ce qui va faire que d'un côté on va avoir trois lobes pulmonaires, de l'autre côté on va avoir un lobe pulmonaire à cause de la première ramification des branches qui va se faire. Ça, ça va toujours rester comme ça de chaque côté. Un d'un côté puis trois de l'autre. C'est pas ça que j'ai dit aussi. Ici, tu vois, on voit là, du côté droit, la première ramification qui va être en trois branches, qui va donner les trois lobes. Puis, tu sais, je pense que c'est des choses qui sont importantes, ce trois lobes pulmonaires, de participer dans la première ramification, il y en a trois. Et du côté gauche, que, là, il va y avoir deux ramifications, donc on va avoir deux lobes du côté droit. Donc, on va faire cette différence-là. Un peu la chronologie ici, je ne vous demanderai pas, bon, ben, entre les semaines 6 et 16, c'est quelle partie du développement de la ramification de l'arbre respiratoire qui se fait, c'est du cerveau glandulaire. C'est pas ça, en fait, c'est de voir la chronologie qu'au début, il y a une petite ramification qui se fait, mettons 2-3 séries de ramifications, c'est la période embryonnaire. Il y a la période pseudo-glandulaire qui, elle, va s'étendre sur une plus longue période et qui est une ramification plus en profondeur. Puis ensuite, la dernière période de ramification, canaliculaire, elle n'est pas encore vers le développement des alvéoles, saphulaires alvéolaires, que là, on va avoir les alvéoles qui vont se développer, qui vont se ramifier. Et tout ça se poursuit jusqu'à à peu près 8 ans. Donc, à la naissance, c'est encore une certaine maturité. Et ça, ici, vous avez la description des différentes étapes. Donc, c'est juste de savoir les composantes des étapes que les semaines à laquelle ça a été dit. Savoir qu'une arrive après l'autre. Dans le fond, c'est biologique dans tout ça. C'est une première ramification, comme c'est une deuxième ramification. Puis à chaque étape, on a une maturation qui se fait. Donc, de la perte de la. Des périodes de la moins mature vers la période de la plus mature, ben, il faut être capable de mettre ces périodes-là en ordre. Le diaphragme. On est rendu. En fait, c'est juste de connaître les quatre membranes qui vont former le diaphragme. Le diaphragme, c'est assez simple. Dans le fond, c'est ces quatre membranes-là qui vont se rejoindre, qui vont se souder. C'est ce qui va donner le diaphragme. Les étapes qu'on a vues avant, il faut savoir les mettre en ordre, mais est-ce qu'il faut savoir les écrire? Mais en fait, pas les décrire, tu sais, en un paragraphe, mais il faut savoir avoir un mot-clé dans chacune des étapes pour savoir c'est quoi en fait. T'sais. Si tu sais le mot-clé dans cette étape-là, facilement, tu es capable de les mettre en ordre. C'est parce des échanges gazeux. On a parlé un peu les réactions dans le fond de la respiration. C'est pas l'inspiration, mais l'expiration. C'est vraiment l'utilisation de l'oxygène dans les cellules qui en ont besoin pour faire leur fonction, leur différentes fonctions. Donc, ils carburent à l'oxygène et ils relâchent à l'oxygène. Puis, dans la respiration, ben, c'est de comprendre que c'est tout le temps par rapport à la pression. Un gaz et sa pression, que ça va, voilà, ça va diffuser d'un côté ou de l'autre, dépendamment de la pression de ce gaz-là à cet endroit-là. Soit partout dans le corps ou que ce soit dans les alvéoles, s'il y a un différentiel de pression qui va faire que le gaz va rentrer et il va sortir. Puis les changements respiratoires sont à la grossesse aussi. C'est tout. C'est ça. Les avant et après la naissance. Avant et après la naissance, là, tout ce qu'il y a à savoir, c'est. En fait, les changements respiratoires avant et après la naissance, c'est de savoir que durant la croissance embryonnaire, ben, les alvéoles, ils se remplissent de surfactants, ils n'absorbent pas grand-chose. Quand on arrive à la période postnatale, il va y avoir une certaine résorption, là, il va y avoir une capacité d'absorption gaz, les échanges, tout ça. Et en fait, c'est de savoir que le poumon va fonctionner, ben, il ne fonctionne pas durant la grossesse. À la naissance, il va se mettre en mode respiration, en mode échange gazeux, le surfactant qui est bien important. La fonctionnement et la membrane de ben, qu'il faut que la membrane soit sémée, ça fait partie quand on a le développement en qu'est-ce qui est typique? C'est que la membrane alvéolo-capillaire devient très mince, donc vers la fin. Donc, c'est ce qui fait que là, les échanges sont possibles à l'alvéolo-capillaire. On aurait tout vu qu'on va faire le poumon était capable de rester. Mais il fonctionne. Oui, mais dans l'embryon, il ne fonctionne pas. C'est l'embryon, il y avait du vide magnétique et du gaz dans le corps. Mais un enfant prématuré, puis à 26 semaines, pourrait se débrouiller pour avoir la capacité d'en prendre le risque. Et c'est ce qui se passe. Et c'est tout en fonction de la maturation du alvéolaire et de la quantité de surfactant aussi, qui est présente directement reliée à la maturation alvéolaire. Le point que tu sais, c'est-tu 28 semaines? C'est plus 26 semaines. 28 semaines. En fait, 28 semaines, c'est capacité, c'est vraiment qu'on pourrait dire, il y a des cas où il pouvait respirer sur c'est sûr qu'il y a une augmentation d'oxygène et tout ça, mais alors que 26 semaines, mais là, c'est quand même 25 semaines, là, ça s'en va vers 24, c'est que là, dans des conditions où on peut induire la sécrétion sur surfactant par différents modes dont on avait discuté, mais là, on pourrait en venir à une sécrétion d'un homme un petit peu plus tard. Mais ça, c'est encore, tu sais, du coup, par souvent plusieurs séquelles avant 28 semaines. Donc, ça, c'est sûr que tu sais que c'est l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans le système sanguin, que la majorité de l'oxygène n'est pas libre. Suzanne, quels sont les quatre facteurs qui influencent le changement secrétoire, absorption des alvéoles, pour savoir ça? Une imprimation, une autre. Ah non, c'est quand on a parlé de pénétration pulmonaire qu'on peut connaître. Les quatre facteurs de quoi? C'est la diapos 31 encore, à la rambo. C'est important comprendre que ça vient de deux tissus différents. L'adéno vient du tissu plus endoderme, puis la neurocortex vient du tissu nerveux. Les fonctions de chacun, pas d'abord comme ça où il y a toutes les hormones, mais plus la fonction qui est impliquée dans la régulation de chacune des hormones. Pour l'hypophyse et l'hypothalamus, ben c'est comment les deux sont impliqués. L'hypophyse et l'hypothalamus, on va mettre l'accent ici sur la régulation hypophyse, hypothalamus, hypophyse, gonade. Donc la régulation qui se fait entre les trois, et c'est la GnRH qui est produite par l'hypothalamus, pardon. La FSH et la LH qui est produite par la neurohypophyse, la cytocine qui est relâchée par la neurohypophyse, tout ça va agir sur le système reproducteur, donc en majeure partie les gonades. On est capable d'essayer de situer dans le fond les différents organes en humain. Par la différence entre la neurohypophyse et la neurohypophyse. C'est tellement impliqué dans les processus reproducteurs que c'est important. Il faut aller mieux qu'il n'est pas fait, savoir ce qui est le plus important dans ce chapitre-là. C'est de bien comprendre leurs fonctions, ce qu'ils vont produire, comment ils vont produire, comment ils vont communiquer. Là, on fait la différence entre la communication hypothalamus adéno-hypophyse, la différence entre hypothalamus neuro-hypophyse. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. C'est dans le cadre ici. J'ai une question sur la disque. Les fonctions de l'hypophyse, c'est la production et sécrétion de FSH et la H, oui. Mais seulement sécrétion de prolactine. Oh. C'est une mémoire, ça? Non, ça devrait être production et sécrétion de prolactine. La mauvaise formulation. Ce qu'il faut faire la différence, c'est la neurohypophyse, quand on a parlé de l'oxytocine, qui est produite par l'hypothalamus et qui est sécrétée par la neurohypophyse. Ça fait l'hypothalamus? C'est pas comme une glande qui est capable d'emmagasiner tous les hormones. L'oxytocine va descendre dans la neurohypophyse. La neurohypophyse est capable de la stocker, l'oxytocine, puis là, elle va la relâcher. Elle va la produire, mais là, elle va la relâcher, donc la sécréter. C'est sûr que la différence entre la production et la sécrétion, c'est important. À ce niveau-là, on va reformuler. Ça, c'est le développement de la neurohypophyse. Donc, un peu ce que chaque glande fait. De la glande thyroïde, de voir d'où ça vient, par la thyroïde, les corps qui sont en chute, le thymus, le parmesan. On est vraiment beaucoup dans ce cours-là. Mais on ne va pas en profondeur dans la fonction de chaque glande, c'est de savoir bon, tel organe produit telle chose. Éventuellement, il se forme à partir de tel tissu, savoir un peu comment il se forme. On va pas plus comme ça. On a fait un gros cours d'endocrinologie, mais on a fait une toute la régulation de toutes les hormones, comment elles vont toutes s'influencer. Au moins, de savoir leur cycle de production. Est-ce que l'hypophyse en a produit aussi de la prolactine? Ah, c'est gratuit. Les gonades, on s'attarde un peu plus, c'est dépendamment de la gonade mâle ou femelle. Puis, de voir l'implication, dans le fond, de sexe génétique dans la détermination du sexe. Gonadique et après ça du sexe, du phénotype sexuel de la personne. Ça vous explique un peu la différence, comment avoir de la testostérone, mais qu'il n'y en ait pas dans le sang, parce que tout, par rapport à moi, toute la testostérone est utilisée pour produire des estrogènes. Donc on n'a pas le développement dû à l'effet des estrogènes. Le développement vers un ovaire, la médecine n'est pas capable de faire la différence entre les deux, de voir comment ça s'organise. Qu'est-ce qui vient de quoi? De la gonade. Donc, justement, les petits cellulaires proviennent à l'intérieur là, de des cordons qui sont organisés au niveau du spermatogonie, puis à l'extérieur, ben, les pédidines qui proviennent des tubules mésonéphrodiques. Alors que dans l'ovaire, ben, tout ce qui est mésonéphrotique, c'est différent totalement. C'est vraiment l'ovaire qui est indépendant. vision pour savoir qu'est-ce qui est quoi. L'accessibilité dont on a parlé dans la question générale, la gestion de la production de LH et des SH. C'est accessible. De dire qu'est-ce qui est dans le fond, c'est la génération parle de l'hypothalamus. Elle va aller agir sur les récepteurs à la GNRH qui se trouvent dans l'adénopophyse. L'adénopophyse, suite à la liaison de la GNRH avec son récepteur, va induire soit la réaction de FSH ou de LH ou des deux dans des proportions qui varient. C'est vraiment le pic de GNRH, c'est vraiment le pic de GNRH qui module le cycle de la femme. Que la gonade, elle, est capable de refaire un contrôle, autant au niveau du système nerveux, au niveau du hypothalamus, de l'hypophyse, par la sécrétion de différents choses. Donc, les hormones n'ont pas juste de tous les temps. C'est la crépulation physiologique. C'est sommaire, c'est d'avoir toute cette crépulation-là. Puis, pour ce qui est des hormones, bien, il faut connaître les types d'hormones. Les hormones qui sont solubles, les hormones. Solubles, sont solubles dans l'eau. Et dans les hyposolubles, ben, c'est capable d'avoir des hormones thyroïdiennes et les gaz, alors que dans les hormones aquasolubles, solubles dans l'eau, ben, on a des amines et les effets anabolisés. Donc, pas s'agrandir tout ça. Les amines, les peptides, les protéines, ça va être solubles dans l'eau. Donc, je ne demanderai pas de me nommer, mettons, l'HCG, c'est quel type d'hormone? C'est pas un cours d'apprentissage de la part de la structure de chacune des hormones, mais il faut savoir qu'il y a différents éléments. Et qu'est-ce qui est liposoluble et qu'est-ce qui est soluble dans l'eau. Les sites de sécrétion, bien sûr, vous devez les savoir déjà parce que ceux où on s'est attardé au développement embryonnaire, on a dit, bon, ben, quand on a la glande thyroïde, elle va produire la calcitonine, elle va produire la T4, la T3. Des choses qui sont dans les récepteurs. Pour ce qui est des récepteurs, ben, c'est de comprendre que l'hormone fonctionne dans la circulation affirmée. Il faut absolument qu'une hormone se lie à son récepteur qui est localisé dans une cellule. Ça se trouve pas sur toutes les cellules du corps. Sur une cellule cible, c'est là qu'il va avoir son accès. Le meilleur exemple de ça que je dirais, c'est ben, durant la grossesse, dans le même, il y a des récepteurs à l'oxytocine qui vont se développer. Là, rendu à la fin de la grossesse, là, le quand on va voir, il va y avoir des fausses contractions, et il va y avoir une excitabilité vraiment facile de l'utérus, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de récepteurs à l'oxytocine qui sont présents. Il y a une certaine maturité. Dans le fond du myomètre qui s'est fait. Puis au moment où l'oxytocine va arriver, mais elle va être capable de se lier à son récepteur sur le muscle, puis il va induire des contractions. Il faut avoir des contractions adéquates, donc des vraies contractions, il faut avoir une bonne quantité de récepteurs à l'oxytocine. Et tant que dans le myomètre, il n'y a pas eu de développement par les cellules de ces récepteurs-là, ce n'est pas présent tout le temps dans une très bonne quantité, ça va avec la maturation du myomètre durant la grossesse. Donc, même si je donnais des shots d'oxytocine à une femme, si son utérus n'est pas prêt, jamais il va contracter. Ça arrive souvent. Ça arrive. Donc, ça, c'est un exemple concret. Ça pourrait visualiser comment tu sais, c'est important. C'est pas juste l'hormone qui est important. Son récepteur est 100 fois plus important que l'hormone. Donc, ça, ce tableau-là, ben, c'est tel que tel, là, c'est juste de voir si les hormones hyposolubles et les hormones hyposolubles dans l'eau. Les hyposolubles sont transportés par des protéines, puis les hyposolubles aussi sont capables de voyager. Sur les modes d'action, on ne peut pas l'adapter. Ça aussi, c'est pour vous, l'adaptation maternelle à la grossesse avec les hyposolubles. Puis, le cours d'aujourd'hui, c'est le système nerveux. C'est 45. Oh, Non, pas ça. Tu sais, comme, dis pas un cours d'anatomie. Bon, ça, c'est un cours de morphologie. Il y a des choses qui sont faut comprendre, c'est pas capable de situer Pascal, mais c'est pour l'apprentissage qui est. Si on parle de développement, c'est de la fonction de chaque chose. Le secteur, le septum ici-bas, je pense que c'est le septum entre les deux ventricules dans les hémisphères. Dans les deux hémisphères, il y a un ventricule comme ça qui est comme une corde. Entre les deux, il y a un septum, je pense que c'est ça le septum. Parce que ça avait l'air moins ventricule que le troisième ventricule. Non, c'est ça, les ventricules sont vraiment. On a une corde comme ça, puis on a une autre corde comme ça. J'ai les deux ventricules, puis ici, tu as le troisième ventricule. Sur le quatrième. Premier, deuxième, c'est l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Ça va. Et que je vous rappelle, mercredi prochain.